raison ça m'a demandé. Pour qui raison ça le pas qu'un temps passé. Petit point pour arriver. Vle qui belle en bramé. L'opé la camoure. T'en prie chita pour me demander. Si c'est vrai ça t'en est. En fil moun a raconté. Mais pour qui ça y a petit point. Yeah, we're gonna Bloody love, you're cool. petite ça va. Thank you.